Le sort a choisi les États-Unis pour mener à bien la dernière et la plus difficile des expériences, la campagne globale du bien contre le mal. En nous soumettant totalement à un gouvernement mondial, nous réconfortons tous les hommes de la Terre grâce à la perspective de la sécurité qui peut combattre le spectre de tous les totalitarismes. Le but de ces rencontres confidentielles, que l'on baptisera plus tard les conférences Messie et auxquelles participent parfois des agents de la CIA, créer une science permettant de prévoir et de contrôler le comportement humain. Ça donne. Ils disent qu'Obama fait le black. Moi je te dis qu'il fait le bouc. Y'a des mecs qui font bloc. J'suis pas fiché sur Facebook. Ils disent y'a des chiens dangereux comme les pits ou les Rottweiler. J'dis y'a pire, y'a les Rothschild qui font Rottweiler. Ils disent orienter le monde, chaque sommet du G8. J'dis qu'ils font des tournantes avec des petits ou des petites. Ils disent des tas de conneries et toi tu les rapportes. Mensonge frappe à ta porte, moi j'dis que c'est lui qui l'emporte. Tu dis qu'est-ce qu'on raconte, tu crois même que l'on ment. Par contre moi j'dis que t'es con, t'as crois juste ton conditionnement. Ils disent appeler les flics pour pouvoir nous faire taire. J'dis que t'es qu'un fêtard accro aux frics et aux frontières. Le Vatican est au service de Dieu, c'est ce qu'ils nous disent. Moi je dis comme ça Mathieu, c'est juste une prostituée de l'église. Ils disent en Angleterre les protestants sont trop balèzes. Moi je dis qu'Elisabeth c'est juste une prostituée anglaise. Ils disent on a que l'Occident, l'axe du mal capitule. Moi je dis que c'est pas crédible, tous ces crétins crédules. Ils disent combattre les terroristes, du coup ils se prennent pour des héros. Je dis tout était prévu et au passage prennent tous les héros. Ils disent l'islam oppresse les femmes, chacun sur le port du voile. Je dis que tu préfères ta fille en string ou qu'elle travaille à poil. Ils disent on vit qu'une fois et faut faire ce que l'on veut. Qui font tous juger, c'est en enfer qu'ils font l'on veut. D'après la FAO, qu'avec 30 milliards par an, on pourrait stopper la faim dans le monde apparemment. C'est dérisoire car ils dépensent plus de 1000 pour l'armement, 900 milliards dans la publicité pour ton conditionnement. Ils disent, pas d'entremise, tu pérennises leur entreprise. Alors tu dois faire la bise et bouffe ma mère, c'est leur devise. Ils disent qu'ils maîtrisent la croissance, qu'elle nous sort de la mouise. Vas-y fais leur confiance, plus tu consommes, plus tu t'enlises. Ils disent tu veux du pognon, va falloir mouiller ta chemise. Tu vas tisser jusqu'au trône pour qu'à la fin pas de 3010. Ils disent tout à ta bêtise. Et tout le monde gogogogogog leur mensonge comme des friandises. Ils disent au clandestin fais tes valises. Ici pour toi y'a pas de destin mais eux tirent mon lit des valises. Ils disent la paix dans le monde par la corruption et compromise. Mais qui manipule qui terrorise, qui colonise. À ma sortie, sauvons la planète, nos réserves. Et puis c'est qu'on m'écœure, ils sont pas nets et font de la terre une marchandise. Ils disent, contredisent, te méprisent et t'enlisent. Ils disent, t'es leur venin, ils vampirisent ta matière grise. J'analyse, qu'ils sont ma vise. Un embrasement global d'une civilisation en crise. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent ou ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Ça frise la démence, leur schizophrénie nous divise. Tu veux savoir ce que pensent Walou, Joker et Will. Kiffe les façons, balance la rhétorique, elle atomise. Ils disent toujours ce que tu as besoin d'entendre. Et nous on colporte des idées qui vont pas te détendre. Fais-toi ta propre idée mon pote avant de nous descendre. Car au jugement dernier, il n'en restera que des cendres. De janvier à décembre, leurs discours sont de sombres sembles. Et nos langues sont des sabres qui découpent leurs exemples. Leur délire est bien organisé, tout est programmé. Orchestré avec un plan concret depuis des années. Ils y travaillent afin de nous séquestrer. Un stratège bien précis que suivra le bétail. Le nouvel ordre mondial avance et on est prêt pour la bataille. Ils disent pour nous que le travail c'est la santé. Je dis que t'es qu'une fourmi qui passe son temps à s'endetter. Ils disent qu'ils payent ses dettes, s'enrichissent sans tricher. Moi je dis que c'est les pauvres qui en chient. Ils disent faites tes études pour plus de débouchés. Je dis qu'il y a plus d'autodidacte, y'a des esprits bouchés. Ils disent l'argent fait le bonheur et ils nous font envier les riches. Moi je dis que t'es trop naïf, la nullité ta guiche. Ils disent un grand emprunt pour relancer l'économie. Les banquiers sont en prêt, je dis que la terre c'est leur colonie. Ils disent que, de la merde sur disque. Aucune prise de position, pas de prise de risque. Vous avez tous des masques quand vous entrez en piste. Note mon nom sur ta liste, car maintenant on vous piste. Beaucoup d'artistes en poste sont de gros satanistes. On forme la riposte avec un son alarmiste. Trop d'MC en coulisses, ont le contenu en laisse. Leur discours me lasse et j'y vois toute leur faiblesse. Qui les rend tous complices du quotidien macabre des tâches qu'ils accomplissent. De tous ces beaux discours autour des bénéfices. Ces récompenses, ces primes, ces dépenses, ces déprimes. Ces démences, ces promesses, ces avances, ces mensonges, ces carences, ces offenses, ces absences, ces silences. Quand le peuple s'enfonce, pendant que tu danses, ils manigancent et t'instrumentalisent. Nous poussent ensemble dans le chaos et la bêtise. Ils font leur propagande pour qu'on s'enlise. Génèrent des modes déalisés, réalisés. Ils disent que nos cerveaux pas tant d'analyser. Tout est codé, t'es éduqué pour mettre tout ça de côté. Mais un beau jour pour ta sécurité, ils vont t'incorporer une puce sous le pouce. Un truc bien space pour la traçabilité de l'espèce.